Monsieur Moustache avait un chien fait de papier, un chien que jamais l'on attache et qu'il ne faut jamais froisser. Le temps passe et Monsieur Moustache ne l'entend pas aboyer, il se dit donc qu'il est très sage, qu'il ne faut pas le forcer. Le silence l'exaspère, il n'espère plus de romance et pense au cimetière. Son enfance oubliée, était-ce même en France plus moyen de s'en rappeler? De l'autre côté du palier vivait une Madame Biscotte, mais elle ne s'était jamais mariée, personne pour frapper à sa porte. Lorsqu'elle descend jusqu'au marché, une guirlande sur sa robe, un robinet dans son panier, les gens choqués la snobent. La démence l'indiffère, elle sait bien qu'elle est folle, qu'il n'y a rien à y faire. Un seul et sympathique, le monsieur du premier, quelque peu amnésique, car le monsieur toujours l'invite, lui qu'il a tout juste rencontré, à venir quand elle veut chez lui, prendre le thé et bavarder. Mais quand elle appuie sur sa sonnette, il est surpris, tout étonné, ne semble jamais la reconnaître et demande si elle le connaît. Madame est dépitée, elle est certes un peu triste, mais se met à glousser. Et chez elle, pour aller mieux, elle s'applique un peu de poivre et de sel dans ses cheveux. Madame Biscotte et Monsieur Moustache se croisent encore dans l'escalier. Bonjour, je m'appelle Eustache, enchanté de vous rencontrer. Depuis 8 ans, c'est la même histoire. Eustache ne se rappelle plus de René. Il a beau tous les jours la voir, sa mémoire s'est envolée. Mais un jour, peut-être un jour, il se souviendra d'elle, peut-être pour toujours, mais toujours oublié. Il refait connaissance, elle fait seule étonnée, et il lui parle de son chien, un chien fait de papier, un chien que jamais l'on attache et qu'il ne faut jamais froisser. Une chose est sûre, c'est qu'il est calme, vous savez, il n'aboie jamais. C'est pour vous dire comme il est sage, vous ne risquez pas de l'écouter. Madame Biscotte, j'ai l'impression de radoter. Non, Monsieur Moustache, je vous en prie, continuez.